100% Explicit Lyrics. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Passez une bonne soirée et bienvenue à Monsieur Crix. Bienvenue la famille. Ça va ? C'est nous qui nous rejoignent. En pleine forme ? En pleine forme, la Crix Family, elle est là ce soir. Et ouais, la Crix Family au complet, on va faire connaissance avec toi. C'est vrai qu'il y a un projet qui est sorti, qui marche fort déjà. Ah mais oui, c'est Le Calme Avant la Tempête. Le Calme Avant la Tempête, on en entend parler depuis un bon petit moment. Ça y est, c'est dans les bacs, on peut cliquer, on peut l'avoir tout de suite ce partout, soir. Partout, iTunes, Google Play, Amazon, Spotify, Deezer, partout. Et bah allez cliquer et on va faire connaissance avec Crix. Alors petite, petit CV express pour Crix. Petite présentation pour les gens qui vont te découvrir. Bah alors moi c'est Crix, je viens d'Épinay-sur-Seine, j'ai 24 ans, ça fait, je rappe depuis que j'ai 11 ans, t'as vu. Et voilà, là c'est mon premier projet qui sort enfin, 11 titres, et voilà, j'espère que ça va tout niquer, j'espère que ceux qui découvrent vont apprécier, et ceux qui connaissent déjà, j'espère qu'ils vont faire le taf. Et eh ben, n'hésitez pas à cliquer d'ailleurs avec le hashtag Crix sur Skyrock. Vous balancez plein de messages pour Crix dans la nocturne 100% rap français. Tu veux nous présenter un petit peu qui est autour de toi, Crix? Bon, à côté de moi, il y a qui? Il y a Mexo mon refrain, Ekel, Screech, Clovis, Sky le Prince, Jesse Game, Jibus, Ibe Gazalaza. Et voilà, il y a Demolition, il y a la famille. Et bah la famille, c'est parti pendant une grosse heure avec Crix. Il y aura du live aussi tout à l'heure. Ah mais oui. Loupez pas le freestyle de Crix. Et on débute avec un extrait du Calme avant la tempête, c'est parti? Vas-y, c'est parti, on voit. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hey, hey. C'est ton négro CRI. Donc je veux pas être vocal. Donne-moi des sous, me demande pas si ça va. Tu fais des sons, gamin va passer ton bafa. Les gros n'espère même pas devenir mon java. Si t'as une grande gueule, les copains t'es trop bavard. Je découpe ta tête sale, pas d'escale, grave bestiale. Veulent que je m'arrête. Ah, je veux le salaire à Garrett balle. On se mélange pas, les poissons nagent pas avec les crocodiles. Un muscon dérapé, capte pas, pourtant j'ai un bon mobile. Nigga, le rap c'est chelou. Faut vendre son bras pour passer sur trace. Alors on bicra sur le terrain, porte nos et des soies dans les grandes surfaces. J'écoute pas vos sons. Non, ils sont trop claqués. J'suis unique, j'vous nique. Vous êtes des jounines, j'suis okagé. On voit plus le temps passer. J'ignore les matérialistes. L'amour, j'l'ai rayé de ma liste. Même si j'fais des rimes embrassées. A deux, on va plus loin. En YZ, on va plus vite. La vie, c'est pas qu'elle vit creuse. Si j'te mets une balle, vais taper de les balles tranquilles. Vive les fous. Crix, c'est moi. Family, c'est vous. Prends votre place. Écartez-vous. On parle de nous. Regardez-vous. Portez couilles, mon gars, si tu veux faire. Personne nous marchera dessus, la vie de ma race c'est fou. Rap culture, rap culture, rap culture, rap culture. J'fais du rap culture pour mes plaques à rap culture. C'est du rap culture, Ray on rigole hard, j'te jure. Ray m'appelle par refrain, quand y'a drap tu restes en retrait. Je suis pas cliqué pour un euro, même si j'suis pas à un euro près. Prêt, sera au nez au vrai. Puné sur scène, crée jusqu'à Beauvais. Pareil que dans le rap français, c'est la regaine. Mais t'inquiète pas, mes négros sont prêts pour de vrai. Punchline de malade mental. J'rappe avec ma carte vitale. Un flingue, ça enlève une vie. Pourtant, chez nous, c'est trop vital. Ouais, 1 million, il me faut ça. Les gros billets, oui, j'aime trop ça. Devine ce qu'il va t'arriver. Si t'es cet enculé, sans ça. Les haines montent en l'air. Quand ils redescendent, tu les. J'ai dit qu'ils m'aiment, me suivent. Je me suis retourné, y'avait que des enculés. Je suis dans une suite avec le rap. J'te laisse faire le voyeur. Tellement téléphoné qu'elles peuvent passer dans The Wire. Sur une prod de Tyler, j'fais du salon direct, pas de playback. Dans le droit chemin, on est tous habillés, les femmes sont tous en Maybach. A deux, on va plus loin, en YZ, on va plus vite. La vie, c'est pas Candy Crush. Si j'te mets une balle, j'vais taper. Fuck les balles tranquilles, les fous. Crix, c'est moi, family, c'est vous. J'prends votre place, écartez-vous. Avant de parler de nous, regardez-vous. Porte des couilles, mon gars, si tu veux faire des sous. Tu la vie de ma race, t'es fou. Rap culture, rap culture, rap culture, rap culture. J'fais du rap culture pour mes plaques à rap culture. C'est du rap culture, rayon rigole rap, te jure. On lève des grosses bécanes, 9-3 c'est Baltimore. Y'a des ratés comme au foot, mais si tu voles une 10 balles, t'es mort. On lève des grosses bécanes, 9-3 c'est Baltimore. Y'a des ratés comme au foot, mais si tu voles une 10 balles, t'es mort. Mathès me supporte, Épinay est derrière moi. Tu parles derrière mon dos, donc mes gars sûrs sont juste derrière toi. Elles prennent pour des chevaux, c'est des Ahan. C'est grâce aux attrapelets, elle est voilée. Pour se saler, te belles qu'elles peuvent être voilées. Et avoir plus d'expérience que les Ahan. Fuck les balles, tranquilles, c'est fou. Crix c'est moi, famille c'est fou. J'prends votre place, écartez-vous. Avant de parler de nous, regardez-vous. Porte tes couilles mon gars, si tu veux faire des sous. Personne nous marchera dessus, la vie de ma race c'est fou. C'est ton négro CRI. Dédicace à tous les tollards qui nous écoutent. Prenne, Villepinte, Fleury, La Santé, Trick, Mida, Malik, La Feuille, Abad. On est ensemble, après nous il y a R. Dir. Keblon. Wesh là ce sourd. JPR, F1, le carré. Yeah. Le calme avant la tempête, dans les bacs. Yeah. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Putain. Ah ouais, je m'embrouille avec tout le monde. Tout le monde me rend ouf, frère. J'aime plus qui je suis. Qu'est-ce que je suis devenu? Putain, qui suis-je? Moi je vais dire quitter. Je te connais par cœur. Moi je sais quitter. Je vis H24 avec toi, impossible de te quitter. C'est par ta vie que la mienne est guidée. Je dors avec toi, je mange avec toi, impossible de t'éviter. Tu t'appelles Manjou. Les grandes joues, t'as trop la dalle. Tu peux manger tout seul, négro, tu manges tout. Ça c'est ton plus grand défaut. Tu penses qu'à toi-même t'es faux. T'es fou, tu traînes avec tout le monde. Tu distingues même plus les vrais défauts. T'as la tête dure et un vrai cœur de pierre. Tu négliges tes proches alors que on super peur de te perdre. Toi tu fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu fais le nerveux à deux balles, armes à feu, surtout pas qu'on te fâche. Rien, tu mets des pompes fâches. Sur l'apparence tu mises tout, tu boules pour rien. Tu crées des liens, trois semaines après tu brises tout. Tu parles plus avec des gens, pour des broutilles c'est navrant. Mais moi je sais qu'ils te manquent, t'aimerais que tout redevienne comme avant. Tu te sers de ma notoriété pour draguer des filles. T'arrives même pas à te poser, pour toi te poser c'est un vrai défi. T'as voulu changer, alors t'as fait des tractions. Mais le changement c'est pas l'apparence, ni les paroles, mais les actions. Tu t'ouvres à n'importe qui, quand t'aimes tu ne fais pas semblant. Fixe des règles pour ton avenir ou ton futur sera sanglant. On lave pas ses péchés avec une serpillière. En parlant de péché, t'as complètement laissé la prière. Rien que tu traînes en boîte, trop tu me fais de la peine à mort. Tu sors avec des crasseuses, mais t'inquiète, tu te payes après la mort. T'es un gars bien qui finira sale s'il ne change pas. Je crois que tu le sais, et le pire c'est qu'on dirait que ça te dérange pas. Pas là pour te juger, mais faut te remettre en question. Ton frigo sera pas blindé grâce à tes potes du Jackson. T'es un flemmard. T'as trop parlé de moi, à mon tour. Mais je crois que ça va prendre des jours, voire des mois. Regardez-moi ce type, je sais pas pour qui tu t'es pris. Casquette, lunettes, tu fais tes pis. Regarde-moi, je ressens que tu m'épris. Dans tes sons, tu parles de rue, mais dehors, on te voit plus trop. Si vend du rêve, ça paierait là. Toi, tu serais un 6 gros dans tes clips, tu mets des voitures. T'en as pas, rien, tu joues le gars dur. Ça te va pas, crée ton cerveau, ça dure. Ton cœur n'est pas pur, mais trop je te rassure. Ça se voit pas, les gens te connaissent pas. C'est pour ça qu'ils t'aiment bien. Des sons tournent que sur internet. Crois surtout pas que t'es quelqu'un. Tu rappes comme tout le monde, t'es toujours pas sorti du lot. Mais tu penses que tu vas percer. Franchement négro t'as du kilo. Faut pas chercher la grosse bête. Paraît que t'as pris. pris la grosse tête. Dis pas que tu changeras pas. Si tu peux direct, tu te barres au steak. Tes fans te passent sur le net. Parfois tu leur réponds pas. Pour durer dans le rap, faut se battre. T'as même pas commencé le combat. Rien que t'es gardé petit avec tes conneries. T'es pas à côté. Ton fan, tu le décroches à la première sonnerie. Arrête de faire le fou. Tu n'es pas fou. Tu n'as pas de sous. Il serait peut-être temps que tu l'avoues. Vous supportez pas vous. Et vos punchlines, c'est du vent. Tu parles de big grave, mais gros, y'a que des t-shirts que tu vends. Tu veux voir les souvenirs, tous les fous te soutenir. Mais le jour où t'as mérité ça, j'en ai aucun souvenir. Bon, j'avoue, t'es déter, c'est une chose que j'admire. On pourrait claquer des thunes dans le rap sans penser à ton avenir. Non, mais crois-tu vraiment que tes parents sont fiers de toi? Quand tu trouves un boulot, poteau, t'arrives pas à y faire de moi. Tu dors jusqu'à 14h pendant que t'es rempli. S'en sortir comme ça, c'est comme voir la voiture d'une femme sans capote. C'est ça ta vie? Dis-moi, c'est ça ta vie? Plutôt que vivre comme toi, je préfère 100 fois rejoindre le Kadhafi. Ton négro, c'est Harry. Je veux changer. Dis-moi comment changer. Négro, je veux me ranger. Ton négro, c'est Harry. Je veux changer. J'en ai marre de toutes ces conneries. Négro, je veux me ranger. Dites-moi comment changer. Mes relations sont en danger. Je ne pense qu'à me venger. Au lieu de prendre sur moi et de me ranger. Me ranger, négro, je dois me ranger. Pour que ça se passe, je dois d'abord changer. C'est la Kriegs Family sur Skyrock. Ah mais oui. Big up à tous ceux qui envoient des messages là. Je vous vois. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Wesh la Kriegs Family, vous êtes là ou quoi? Ouais ouais ouais ouais. Non la Kriegs Family, vous êtes là ou quoi? Yeah yeah yeah. Ok. Kriegs au mic en 2001, genre mes premiers sons. J'écrivais dans ma chambre, j'posais mes sons à la maison. Tout le monde se moquait, mais c'est pas grave, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi, oui négro, j'ai pris sur moi. J'ai pas lâché l'affaire, j'ai bossé comme un chinois. J'amenais le genou à terre, 25 sons tous les 6 mois. Ma motivation n'avait pas de prix. J'ai appris que dans le noir, un talent en or s'apprit. Ma mère veut me voir briller. Je croyais en mes rêves poteau, même quand j'avais pas de billets. La rue m'a rattrapé, ouais poteau faut s'habiller. Mon père m'a matraqué, arrête le rap et va briller. Va briller. Kriegs t'es fou. C'est pas le rap français qui donnera des sous. Au pire t'en gaspilleras négro et c'est tout. Mais moi je suis déter, à faire taire tout c'est fou. Rime dans la tête mais je note tout. Kriegs Family, hey, on va faire notre trou. Abusé, les rappeurs sont paniqués. Tu veux tester, fais la queue, prends-toi un ticket. Laisse-moi t'indiquer le chemin de la sortie. J'en forge qui pour mes renois, big graveur ou sportif. Pareil que je suis doué, pas là pour jouer. Mes négros comptent sur moi, donc j'ai pas le droit d'échouer. Aujourd'hui j'ai grandi. J'ai grandi impliqué dans des gros trafics avec les plus gros bandits. Tu sais ce que j'en dis, j'ai jamais menti. On passe aux choses sérieuses, donc fini de jouer les gentils. Les gens disent que j'ai changé, c'est les disques ou les songes. La crise ou bien manger, le bise ou se ranger. Jamais loin du danger, je me sens pas trop chez moi, on prend pour un étranger. Changer, tous les jours j'ai essayé. Mais y'a le manque d'argent qui m'a effrayé. Big up à ceux qui bigravent pour remplir le frigo. À ceux qui le font pour payer la chicha à des michtos. J'fais plus de business, je ne suis que dans la zikmu. Ça paye pas mais j'kiffe quand on me dit Kriegs ta nouvelle zik-tu. Un gros big up à tous ceux qui me soutiennent. Qui me donnent de la force, c'est pour eux que j'vais tout ken. trop de rimes dans la tête, mais je note tout. Trix Family, hey, on va faire notre trou. Abusé, les rappeurs sont paniqués. Tu veux tester, fais la queue, prends-toi un ticket. Laisse-moi t'indiquer le chemin de la sortie. J'ai une forge qui, pour mes remords, big graveur ou sportif. Pareil que je suis doué, pas là pour jouer. Mes négros comptent sur moi, donc j'ai pas le droit d'échouer. Je note tout, oui négro, je note tout. Notre trou on va le faire, ouais, notre trou on va le faire. Gaza Laza, Jesse Gang, Black Soul Rezo, Mams 95i, J-Bus, Keblole. C'est Krix dans la nocturne avec nous, avec le projet Le Calme Avant la Tempête et le morceau à l'instant Krix Family. Il y avait changé aussi Krix, qu'on a basculé, qu'on a passé il y a quelques minutes de cela. Ouais, c'est un gros morceau, il a fait un gros carton sur internet, les gens ils ont kiffé, donc voilà, j'étais obligé de le balancer pour ceux qui connaissent pas quoi. Et bah pour ceux qui connaissent pas, ils te découvrent aussi, il y aura du live tout à l'heure, on te découvrira aussi en freestyle à pas louper. Toi c'est quoi les souvenirs de rap, ce qui t'a poussé à rapper quelque part, ou les souvenirs plus gamins de ce que t'écoutais? Ben c'est un grand de chez moi, il rappait, tu vois, il s'appelle Waxo, big up à lui. J'étais fan de lui quand j'étais petit. Et voilà, j'étais fan, je regardais rapper, j'avais des étoiles dans les yeux. Et un jour il m'a ramené au studio, il m'a fait un texte, je l'ai enregistré. Et voilà, depuis. Toi t'avais quel âge alors? Première fois au studio, c'était quel âge? 11 ans, j'avais 11 ans. Ah oui. C'est lui qui m'a écrit le texte carrément. J'ai posé avec ma petite voix et tu l'as gardé ou pas? Ouais, je l'ai encore, j'ai tout, il y a tout sur YouTube. Tu peux même trouver les sons où j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Pour suivre l'évolution. Ouais, voilà, il y a tout sur YouTube. Bon et puis sinon ouais, on peut aller cliquer, donc Krix, c'est R-I-K-S. C'est ça. On peut suivre un peu partout aussi sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat. Ah oui, toi t'es partout, mec. Je suis tout part, mon gars. Partout, tu peux gratter. T'arrives à entretenir tout ça ou quoi? Ouais, sur mon portable. Mon iPhone, il est un peu cassé, mais t'inquiète pas, il tient. Mais la journée, elle commence, t'as la matinée qui est prise, quoi, entre tous les trucs. Ouais. Je suis un peu débordé, mais bon, c'est rien. Eh bah, Krix avec nous, Le Calme Avant la Tempête à découvrir. On part sur quel morceau, Krix? Mets-moi 9-3 criminel. 9-3 criminel? Ouais. Ah! 9-3 criminel. Tu veux dire aussi un mot peut-être sur les gens qui ont bossé avec toi sur la prod dessus? Ouais, bah en fait, j'ai Tyler, il a fait beaucoup de prod. Tyler, Mouro, SK Beats, Yassa Brouzi. Après, c'est tout, hein. Ah, bah, c'est varié déjà. Ouais, et Vince aussi, il a fait une bonne prod, la prod de Termer. Et celui-ci, la 9-3 criminel qu'on va écouter maintenant? C'est Tyler à la prod. Big up à DJ Sad qui est derrière. On voit. C'est parti. Dire. Épinezou, la source, Orgemont, Super M, yeah. La justice, la cité grise, yeah. Keblole. Bah écoute. Rentre chez toi, rentre. Hein. Bienvenue dans le 9-3, ferme ta voiture raclée. Le taf n'est jamais bâclé. Pour rien, tu te manges une raclée. Bah ouais, chez nous c'est chaud, gros, toi je te le rappelais. Tu viens chercher ta go en go, négro, tu repars à pied. Département crapuleux, les types ont grave du le. Si mettent une rente car fabuleux, Ray va aller voir si t'as plus de peu. Toujours un bourreau noir, ça braque pour le friandise. Ça fait chaud de la frappe que de la patate, c'est ce que les clients disent. Test pas, je viens d'épiner sur scène. Sainte-Mille, la source jusqu'à Péry. Les rats des tartines comme du bon mille. Aubert, ça lève en I, pas besoin de frein avant. Sa vie, pas besoin de savant. Pour savoir qu'à ce vent, savant. Envoie le plavant. Partage sans le bourneuf. Si tu veux carotte, tu te fais rafaler comme à la Courneuve. On te met un chèque, on garde le rip. Comico, c'est les garderies. Dedans y'a notre garde-robe. On y dort et on se tape des barres de rire. J'habite dans le 9-3, où sont les tous les lascars. Chez nous t'es personne, ne viens pas jouer la star. Montre le son, son Dieu voit. Ça roule sans permis, hey, faut cramer dans la tue. C'est 9-3, criminel. 9-3, criminel. 9-3, criminel. J'ai dit 9-3, criminel. Bienvenue dans nos tests où la police ne va plus. Dans nos quartiers, c'est... Yeah, la bulle. Bienvenue chez GTA, mais je crois qu'on l'a trop fini. Trop fini, trop fini, donc on finit à Bobigny. Trop de bagarre, trop de bâtards. 9-3, c'est le Qatar. Ça fouille dans ton camtar. Ça piquera ta camtar. J'ai des gars pour Tintin. J'ai des gars bien fit, fit. Pour tes élèves, toi le matin. Et je te conseille de faire vite, vite. Noisy le grand, les soldats. Se parfume avec des extincts. Les grands qui faisaient la hagra. Se marient avec des extincts. On va faire un tour à Stein. Mais ben les gars, que des gangsters. Les petits sortent de brolique, normalisés juste pour voir un grand. Tout le monde parle sur tout le monde, ici tout le monde se connaît. Qu'on se poursuit en série 1 sur la A1 sera honné. Même les plus gros bonnets mènent une vie de prince, pas la vie de prince. Les frères font des allers-retours à Villepinte. On met la France en coque, ça vend le toc à Blancoc. Chez toi ça cherche un plan cul, chez nous ça cherche un plan coque. Où sont les tous les lascars? Ne viens pas jouer la star. Monte le son, son Dieu voit. Ça roule sans perte, fixe ma mini, tout le monde. Vois c'est 9-3, criminel, 9-3, criminel, 9-3, criminel. J'ai dit 9-3, criminel. Bienvenue dans nos tests où la police ne va plus. Dans nos quartiers c'est chaud, qui dit de l'abus. À Montreuil c'est la guerre, poteau même le mercredi. Les keufs graillent un tièbe avec la mif pendant les perquis. Les perquis vénèrent vite, les mères crient. À Saint-Ouen la beuh pousse, même si le terrain n'est pas fertile. Un rappeur dans chaque rue, ne dis pas que le rap dort. Tu veux test, t'as tort, sur la tête de mon raptor. On te fait trembler, ville ta neuf jusqu'à Montfermeil. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, alors jamais on ferme l'œil. Quand on descend dans le sud, tout le monde connaît 9-3. Sont aussi rares que les meufs droits. Daron, ultime, t'es violent. Histoire comme du mal à bas. On veut trop fourrer la France. Résultat, on passe à la barre. Quand y'a embrouille, tout le monde se mouille. Même un oisille le sait. Oui, bébé, je t'aime. Mais n'oublie pas de déposer le chèque. Si t'es au-dessus de tout le monde, Bellec, moi je suis sous toi. Fini en dédicace. Si y'a des bouches, je suis sous bois. J'habite comme 9-3. Où sont les tous les lascars? Ne viens pas jouer la star. Monte le son. Monte le son. Son Dieu. Eh les gars, plus fort tout le monde. C'est 9-3 criminel. 9-3 criminel. 9-3 criminel. J'ai dit 9-3 criminel. Bienvenue dans nos tests où la police ne va plus. Dans nos quartiers c'est chaud, ils ne croient pas que c'est de la vie. L'île Saint-Denis, le Bourget, Bondy et Bagnolet, Romainville, le Rincy. Neuilly-sur-Marne, avec la famille Neuilly-Plaisance. Yeah, Pinay-sur-Seine, Vitane, Saint-Denis, 9-3 Zoukhey, dédicace 9-4 Créteil, Kelly Jekyll, Big Up Saïd. Ok, c'est la Kriegs Family, c'est Skyrock. Le calme avant la tempête, dans les bacs. Saint-Denis. Dans ma gueule, on va les baiser. Préviens ton grand-père. Préviens-lui. Gir. Yeah, ouais tu connais. Yeah, c'est ton, yeah. C'est ton négro CRI. C'est ton négro CRI. C'est ton négro CRI. Yeah, yeah, c'est qui? Yeah, yeah. Le calme avant la tempête. Yeah. Tu nous connais, hein, tu sais déjà. En attendant la tempête. Dédicace à le vieux. C'est ton négro CRI. Ouais tu me connais, ouais tu me connais. Gros Y, Z en I. Ouais tu connais, ouais tu connais. Tu veux des meufs, faut faire du shit. Ouais tu connais, ouais tu connais. On sort le neuf, on met plus de jeans. Ouais tu connais, ouais tu connais. Ouais tu connais. Ouais tu connais. Ouais tu connais. Ouais tu connais. Ok, ouais tu connais. Tu sais qu'on veut que de la monnaie. Écoute, c'est sur des gros bonnets. Négro, ouais tu connais. Gros son, grosse basse, gros flow, gros instru du rap. Après nous y'a R, ça veut dire qu'après nous négro y'a plus de rap. Y'a plus de rap, y'a plus de rap. Et puis les sur scène y'a que des pulcras. Quand te vois les cœurs passer qu'elles montent un pultrac. La gueule circule en bas chez moi négro j'ai un pultrac. On voit les Yankees, ces gens qui pètent l'arbre de la peuf à des antilles. Tu les gentils, les sans vie qui bat. D'ailleurs mon dos c'est bâtard, dis-leur que tu les antilles. ta meuf est bonne, j'termine mon flash là. Puni, puni, ok j'aime bien les cochonnets. Mais non, négro, pas au point de lui faire un cunny, cunny. Ah, je vais tout raser, juste pour me soulager, t'es découragé. Je vais pas vous clasher, je vais des sous cachés pour m'encourager. On est des escrocs, on te voit, on te check, on boit. Mais négro, c'est pas des bûcherons, mais rien qui veulent te mettre des chèques en bois. Sky, ah, ça va du 9-3. Négro, pas de Chicago, go. Saint-Saint-Denis, que du trafic d'armes. Gros, ça vend de l'héros, y'a du shit à gogo. Keblo le, après je débarque dans le game, ils sont tous terrifiés. On ne s'invente pas de vie, tu peux venir vérifier. C'est ton négro CRI. Ouais tu connais, ouais tu connais. Gros Y, Z, dans I. Ouais tu connais, ouais tu connais. Tu veux des meufs, faut faire du shit. Ouais tu connais, ouais tu connais. On sort le 9, on met plus de G. Ouais tu connais, ouais tu connais. Ouais tu connais. Ouais tu connais. Aïe. Ouais tu connais. Ouais tu connais. Ok. Ouais tu connais. Tu nous connais. La monnaie. De la monnaie. Des gros bonnets. Ouais tu connais. Ok. Le son est lourd, les rappeurs sont dans les cordes. Même si t'as le corps de Rambo, on t'arrose, c'est fait l'équipe des cordes. Mon rap de la drogue avec eux des putains d'effets hallucinogènes. Si on est dans le beat, c'est parce que ces bâtards nous disent qu'elles nous inongènent. Rien que ça joue les riches, je calcule pas leur provocation. En plus tu dois des sous à lui. À lui encore, à l'autre là-bas, à lui aussi, alors explique-moi. Pourquoi tu roules en location? Si j'avais 9 vies, j'en donnerais 8 à ma daronne. J'en garderais une pour la regarder vivre. Et tu peux croire sur parole. Je me suis barré des cours, j'ai même pas la compta. Vas-y trouve une excuse, mais même pas la tonga. Te la mets dans le café avec mon anaconda. Te mets fin juste après qu'elle a pas de contrat. Un chien revient toujours vers son maître. Reviens en chien, je veux juste te la mettre. Tu vois ta voix du rap français, négro, je vends des punchlines. Ça se bique en plus, me la mettre. Sors les calaches, calaches, ils veulent savoir j'ai quel âge. Sur moi, ils se prennent la tête, négro, parce qu'entre eux et moi y'a un putain de décalage, cache. C'est ton négro CRI. Ouais tu connais, ouais tu connais. Tout le monde les gars. Ouais tu connais, ouais tu connais. Tu veux des meufs, faut faire du shit. Ouais tu connais, ouais tu connais. On sort le neuf, on met plus de G. Ouais tu connais, ouais tu connais. Ouais tu connais. Ouais tu connais. Aïe. Ouais tu connais. Ouais tu connais. Ok. Ouais tu connais. Tous les cons veulent que ça monnaie. Gazalaza, IP Gazalaza, 95i, tu nous connais, yeah. T'es pas Zarma, tu nous as pas reconnus. Tu nous connais, hein. Après nous y'a R. Du Kassa Mams, yeah. Du Kassa MC, Lélé. Gare Charcel, Perfit Cité Rose, l'ensemble, Crayzou, Plateau, Le Marceau, Herbeval, Homme la Cavé, Beauvais partout. Agent Malfrat, Fils Clo, Black So Réseau, Macrolex, yeah. C'est la Nocturne 100% rap français avec Krix au contrôle de la Nocturne, le calme avant la tempête. C'est le projet qui est dans les bacs et vous retrouverez ce morceau. Ouais, tu connais, qu'on écoutait à l'instant. Il y avait aussi 9-3 criminels juste avant. Ah mais oui. Krix avec nous sur Skyrock avec un gros live qui se prépare. J'ai l'impression que t'es déjà bien chaud toi en fait. Voilà, je me suis chauffé tout seul en fait. J'ai l'impression que t'es bien bien chaud. Je crois que je suis parti trop vite carrément. Ouais, ça, c'était pas un faux départ, hein, t'inquiète pas, c'était bon. Ok, bah on est là, on est encore sur la ligne de départ. Et dans un instant, il y aura Session Live juste avant. Alors on va repartir sur quelques sons du Calme avant la tempête. Et puis aussi un morceau de Mister C. C'est ça hein, qu'on va balancer maintenant. Mister C, big up, Mister C, c'est la famille. Gros rappeur du 9-4, lourd à surveiller de près. Le morceau s'appelle L'appât du gain. Et qu'est-ce que tu veux qu'on passe du Calme avant la tempête avant de partir en live dans quelques minutes? Je crois qu'on va redescendre un peu hein. Tu vas mettre le Calme avant la tempête. Ouais. Et ben voilà, c'est le morceau d'ailleurs qui ouvre le projet, voilà, de Krix qui est dispo maintenant. On peut le télécharger, on peut le trouver un peu partout. Donc n'hésitez pas. Et là, le titre tout de suite sur Skyrock, Le Calme avant la tempête. Moi, je sais ce que je veux. Mister C. Tu sais, c'est quoi mon but? Être un putain de bourgeois. Gagner du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus tirer les pompes d'un enculé pour avoir de famille. Easy money, chat, chat. Cheesy money, chat, chat. Cheesy money, cheesy money, cheesy money, chat, chat, yeah. Mister Cisailleur, le MC venu d'ailleurs. Dédicace à tous les mecs de Checker. Tombé sous les plus de balles. Petit veut traîner dans le hood pour faire de la saleté. C'est la mode de chien t'échalter, faire le ouf comme dans les scènes de menace, tous aux saletés. Qu'est-ce qui fait courir les scars là? Leur fait faire du char, la maille, la tête, le sexe, même pour un tarma, ça peut faire du scar là. Oui, t'as la dalle, hein, t'as la nzala. Bakento, bongo, font pas tout babingi, bazakala. Vie pour les bons d'avis, pour la monnaie. Oui, tout le monde est pris dans le manège. Vois comme les mecs sont friands pour avoir du style, commettre des meurtres en frimant. Se sent pas les dire que je t'ai connu, t'étais tout feneux. Tu fais n'importe quoi, on finira sous Glock millimètre feneux. Qu'est-ce qui fait tourner la sphère à part le sexe et l'or? Qu'est-ce qui fait tourner la sphère à part le sexe et l'or? Qu'est-ce qui fait tourner la tête? Qu'est-ce qui fait tourner la tête? Qu'est-ce qui fait tourner la sphère à part le sexe et l'or? Des dollars, tu veux faire des dollars. Ces billets même qui font que tu finiras dollar. Alléché parce qu'il brille comme une bande de chiens. On est chez Père, tu cries, ça fait bander ça. Bander ça, bondissant. Comme des chacals, on saccage nos vies, on se met dans de ça. Comme le pouvoir fait couler tant de sueur. Découvrir tant de tueurs, gars, on te la mise dans le cœur. Car prêt à tout pour se faire des housses. Tout pour l'ego et la fierté housses. Tous ces principes d'éducation qui nous cassent les couilles voudraient que tu restes droit même quand la reste rousse. Baiser, teaser, cheesy money. Où est la croire dans tout ce malheur? Peser, kiffer tous en mode. On sait tous où ça mène. Doser, causer tout ce malheur. Qu'est-ce qui fait tourner la sphère à part le sexe et l'or? Qu'est-ce qui fait tourner la sphère à part le sexe et l'or? Qu'est-ce qui fait tourner la tête? Qu'est-ce qui fait tourner la tête? Qu'est-ce qui fait tourner la sphère à part le sexe et l'or? Sexe, pouvoir et bif, toujours les mêmes problématiques. J'ai vu l'argent, les femmes, la drogue venir troubler ma clique. L'histoire de trotte, de balance, de rotte. Tu crois que tu comptes, mais la société te coffre. C'est la merde quand tu n'en es pas. Quand tu n'en es pas. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Prévenez Catherine Laborde. En attendant la tempête, le tsunami il arrive. Yeah. C'est le calme avant la tempête. Prévenez Catherine Laborde. Je préfère un plan qui rapporte qu'avoir un pote qui rapporte. C'est le calme avant la tempête. Prévenez Catherine Laborde. Je préfère un plan qui rapporte qu'avoir un pote qui rapporte. Je suis pas plombier, mais H24, je cherche des bons tuyaux. Parle plus haut. Misto, j'ai pas de lambeau, gros, moi je roule en Clio. Radio rappeur, que c'est pas très sage de jouer les imprudents. Même si t'es balèze, j'ai plus en 40 kills, je peux te faire allumer par un cure-dent. On a du pain sur la planche, on a les mains dans la planche. Qu'est-ce que tu crois, je veux pas attendre 60 ans pour quitter la France. Si t'as pas d'argent, tu peux pas bronzer, ça c'est la règle d'or. Je viens de fumer le rap avec Mexo, rayon va tèche le corps. On passe aux choses sérieuses, fini de jouer les gentils. Ils disent qu'on est illettré, on sait mettre YZ en I. J'crois qu'ils sont pas prêts pour ce qui arrive après. En tôle, mes frères, on déchaîne, c'est pas pour autant que je les apprête. C'est le calme avant la tempête, calme avant la tempête, calme avant la tempête, calme avant la tempête. C'est le calme avant la tempête, vous êtes prévenus, j'ai nous la faim. fin d'une enquête égale un nouveau détenu. Traqué par le commissaire tous les jours, mon quartier fait la une. En Afrique c'est la misère, mais ils préfèrent coloniser la lune. Bref, y'a plus de respect, personne regarde l'âge. Pour une pute, sa vie au carnage. Ton corps est tendu sur le carrelage. Ray, le savoir est une calage. Les intellos font arroser, rosé. C'est la crise au pot, faudé, faudé. Sous pas d'un tueur opposé, posé. Traîne avec des mecs à 7, traîne avec des roulois qui lâchent pas le sec. Traîne avec des robes qui pourra billet 5 bêtes, mettre une passeuse dans la pastèque. Ah, abonné aux Aztecs, à côté ça, ça fait de l'argent la steak. Ray, nous parle pas de tête à tête. T'as remarqué qu'on porte tous une casquette. T'auras beau faire du 48, tu seras jamais une grosse pointure. Beaucoup font les mecs de la street, mais devant les racks, ils sont moins durs. J'suis pas de la relève, le niveau j'viens le relever. Le diable aime trop pisser et c'est trop souvent dans mon revêt. Dans la street j'ai le brevet, des 100 mètres j'nage dans la mer. La vie nous fait pas de fleurs alors on les fonce des allers. On passe aux choses sérieuses, fini de jouer les gentils. Ils disent qu'on est illettrés, on sait mettre YZ en I. J'crois qu'ils sont pas prêts pour ce qui arrive après. En tôle mes frères on déchaîne, c'est pas pour autant que j'les apprête. C'est le calme avant la tempête, calme avant la tempête. Calme avant la tempête, calme avant la tempête. C'est le calme avant la tempête. Vous êtes prévenus, chez nous la fin d'une enquête égale un nouveau détenu. C'est le calme avant la tempête. Première mixtape dans vos petites têtes. Fini de rigoler, plus le temps de plaisanter. Épiné sur scène la source, je viens représenter les frères à Villepinte, les frères à Fleury, les détenus à Fresnes, à Bois d'Arc et à Oni. Nanterre, Choconin. Gardez la santé. Crix Family. Ça fait Keblo le. Crix Family. Après nous y'a R. Quand je dis Keblo le, vous criez tous Keblo le. Crix Family. Après nous y'a R. Quand je dis Keblo le, vous criez tous Keblo le. Crix Family. Yeah. Après nous y'a R. Quand je dis Keblo le, vous criez tous Keblo le. Crix Family. Après nous y'a R. Quand je dis Keblo le, vous criez tous Keblo le. C'est la Nocturne avec Crix au contrôle de la Nocturne et ce morceau qui ouvre le projet Le Calme avant la Tempête de Crix qui est dispo là depuis quelques jours. On peut aller cliquer pour le récupérer. Crix, est-ce que tu es prêt maintenant pour le live? Bah j'ai l'impression que c'est bientôt l'heure hein. Ah moi je crois que c'est eux qui sont pas prêts perso hein. Tu crois? Ouais je pense. Demande-leur un peu, voir quel est l'état, quelle est l'ambiance un peu de ton côté. Ouais, c'est comment ici, vous êtes chaud ou quoi? Oh, ouais, niggas, on est là, photo. Keblo le. Ah, mais oui, t'entends pas mon gaz à laza ou quoi? Il est là, mon gaz à laza. Allez, c'est parti en live maintenant, Crix Family, okay, au micro. C'est parti. Allez, DJ Sad, envoie ça. DJ Sad. Yeah. Yeah. DJ Sad. Le calme avant la tempête dans les bacs. Yeah, yeah. Le calme avant la tempête dans les bacs. Les bacs. Le calme avant la tempête dans les bacs. On va les baiser. Ouais ma gueule on va les baiser. Yeah. On va les baiser. Ouais ma gueule on va les baiser. On va les baiser. Ouais ma gueule on va les baiser. Yeah, yeah. On va les baiser. A pas le réel, un négro, ta gauche la calcule même pas mes L. Veux que je lui fasse un tour d'un MVCL. Ok c'est Crix, tu fais des cris. T'as pas le niveau pour tester, refrain c'est triste. Tu nous casses les couilles avec ton rap de merde, on va te péter ta mère. Ah, ceux qui parlent pour rien. Mon gars, nous les connaissons. Gangbang avec mes filles, j'ai des putains de connexions. Je vais chez toi quand tu fais noir. Je reste ta vieille femme dans ta baignoire. Je me douche, mes suis dans ton baignoir. Négro, trop insolent. Ouais, Cupidon, je lui shoot le cœur. Il m'arrive à peine à la cheville, ils m'ont lassé. Je crois qu'ils écrivent chez Footlocker. Avoue que t'as pas capté. Que depuis ta jeu de mots, faut t'adapter. Tu veux carotter, tu te fais pas tâter. On t'allume ta mère, bois les couilles, tu carottes. Arrête, prends le mec, ça part en bas de sang. Mais sous, je te nique si tu viens sans. Ta soeur m'a vu avec son billet de 20 depuis. Un qui m'appelle Vincent. Oh, hey, tu connais Crit. Avoue qu'il kiffe bien. Nouvelle école du rap, fout trop la merde, mon prof Philippe. Plein. Ils sont tous morts de honte. Je suis pas le plus fort, je monte. La source super M. Or je monte. Épinay sur scène, y'a trop de monde. Ouais. Je vise le million. Au pire des cas, 2 millions. Parce qu'un gorille, bah ça mange plus que 2 millions. Passe dans ma tête, test. Tous les jours ça tease, tease. Tu veux le test, test. Arrête tes bêtises, tease. YZ levé, rêve, faut délever. Tu veux m'en carotter, négro, faut pas rêver. Non, je veux pas rêver de faire du réalisme. Je veux faire du réalisme. Pour moi, vie me ils sont à peurer, bourrer, fourrer, peur à bourrer. Pour les lascars, des terres, en bas du bloc qui veulent prendre la ce franc. Parler, bourrer. Dans ta tombe, y'aura rien. Donc ton merco, c'est qu'un tas de ferraille. Ton train de vie, c'est value. à ton nombre de clients qui t'abiraillent. Pareil, je suis commercial, tial, parce que je sais chanter, mais je les baisse donc commercial. Chial, moi c'est Krix enchanté. Sans vanter, cette année je crois que je vais tout Kelly. Baiser la grand-mère de tous mes ennemis. Que la Krix Family soit bénie. La Krix Family, vous êtes là ou pas les gars? Oui. Le calme avant la tempête depuis le 20 octobre, les gars. Envoie la suite, mon gars. Ok. Le calme avant la tempête dans les bacs. Ah, mais oui. Black sur réseau, Cray Plateau. Oui, le Jean Beauvais. Ouais, ouais, sur scène, la source. Usama XR. PRM, la justice. Un neuf réseau. Maudit, most incredible, baby. On va tout baiser. Yeah. Ok. Le calme avant la tempête. C'est R.I.R.I. Yeah. Ah, mais oui. Yeah. Ok. Hey. Tu veux que je te parle de chez moi et de comment ça vit? On croit vivre, mais c'est quand on meurt que commence la vie. Commence la vie de ses péchés. Quand tu te baignes dans la haine, bah y'a que la misère qui veut te sécher. Et ça me fait chier de voir mes parents bosser. J'empruntais le mauvais chemin que je pourrais peut-être pas rembourser. La rue, mes négros l'ont compris. Elle nous tue ou nous laisse en zombie. On vit comme des zombies. Elle nous vend du rêve sans nous montrer son prix. Je me souviens du collège, un qu'on t'appelle ballon. Aujourd'hui, trois quarts de mes potes sont béton au ballon. Pas de balance, poteau, y'a qu'au parloir que nous parlons. Je pense à Sayrat qui m'a dit qu'il viendra et que ça sera pas long. On est vite de dire que la mort est inévitable. Mais même l'amour est dead, tous mes scars la veulent plus l'évitant. La preuve voulait qu'on devienne boulanger en 3 ans. Donc on a vendu de la farine, mais pas celle pour les croissants. Futur en boisson, par jour j'en vois 100. Des mecs avec des grosses érections quand ils voient le sang. Ton voisin le meilleur suspect pour fourrer ta femme. Quand vous serez en embrouille, lui fera Zarma grave et la flamme. La flemme d'ego d'aujourd'hui, les sentiments faut doser. Les gens veulent se poser mais finissent plus souvent par s'opposer. Je les regarde, y'en a aucune qui m'intéresse. Je crois facile de gérer 3DS si tu roules en DS3. Pour elle tu claques ta paye mais les meufs bien sont toutes casées. Dernière sable Gucci dans une armoire qui est toute cassée. Ma mère me demande le jour où je perds ses gants. Le jour où je la perdrai, je serai comme un boxeur qui perd ses gants. Un requin qui perd ses dents. Laissez-moi percer dans le rap, vous allez voir qu'il y en a un, je vais tous vous faire ses dents. Concernant le rap français, ben y'a plus de rap français. J'écoute tes rappeurs, ils font que de la trappe rincée. Regarde les chiffres, c'est n'importe qui vend. En vrai, tu te manges des gifs, arrête de faire les petits gibans. Tu parles de gun, de kev et de tronlis. Mais les voyous sont dehors, pendant que toi, t'es dans ton lit. Trop de faux frères, Ray, faut que je trace. On m'a fait tellement de coups de crâne, je peux presque avouer que je suis un crasseux. Puis les cassettes, on traîne ensemble. Mais tu me balances, donc c'est dans le bonheur que les cons dénagent. En cachette, ça rêve de me balayer. Parce que l'amitié et l'argent, ça fait pas bon ménage. Comme un fou, je gratte, comme mes coups, je rate. Je pense aux sous que je rate au lieu d'apprendre des sous-rates. Si tu te plies aux exigences de la rue, tu finis au placard. Putain, quelle rime de bâtard. On veut rentrer des sous pour s'en sortir. Mais ce soir, on va sortir avec les sous qu'on a fait rentrer. Pour atteindre ton but, personne ne va te faire de passe. Donc reste pas trop au quartier, tu te feras froisser si les keufs repassent. Pas là pour te faire la morale, j'ai pas trop le moral. Pour les meufs, on est hâle, mais pour nos darons, rien qu'on râle. Si le business ne marche plus, à notre perte, on va tous courir. Remets-toi demain, peut-être que demain, on va tous mourir. Moi aussi, je veux croquer, je veux manger, je veux rôter. Mais dans ma communauté, on finit toujours menotté. Pour Instagram, ça veut un beau gosse comme fils. Génération dans la merde, frigo vide et un iPhone 6. Ok, DJ Sad, coupe l'instruction, on va s'endormir, on va pleurer. Le calme avant la tempête. Oui. Depuis le 20 octobre dans les bacs, niggas. Va okay. Pécho, ou sinon on va te pécho, poteau. Calme avant la tempête dans les bacs. Yeah. Elle est Krix Family, vous êtes là ou pas, les gars? Dédicace à le vieux. Yeah, yeah, yeah. Pour le vieux Pali, mon gars sûr. Ils sont pas prêts. Cheab, dédicace à Keba. Ibe Gazanaza. Yeah. Ils sont pas prêts. Ok, ça fait. On va tirer sur ces tarbas. On va tirer sur ces tarbas. On va tirer sur ces tarbas. Mais dit qu'on a plus le temps de faire des carbas. On va tirer sur ces tarbas. Tout le monde, on va tirer sur ces tarbas. Tout le monde, on va tirer sur ces tarbas. Ok, un. Ah, mais oui. On va tirer sur ces tarbas. On va tirer sur cet arba. Bah ouais, on a plus le temps de faire des garbas. Sur moi les haineux pas négro, je ne les regarde pas. Un dépiné sur scène, on te nique ta race. Si tu ne pars pas, mon nom ton barbe. mal, on parle pas, on tabasse. Mais ta bosse, mais parle pas, fume la vie comme au tabac. T'as pas le niveau pour tester ces ricassos. La vie m'a pas de fric comme l'icône, donc j'rappe, j'expose vos gros litos. On a des vieux bigots pour me viser les toxicos. Pas les couilles des sacs, fruits et légumes, on mélange de sky et les tropicos. Et on l'icône, ça compère. Un coup m'jette, les coups m'jette, les coups m'passe en compète. Je me suis perdu entre le vrai et le superflu. L'amour rend aveugle, je comprends pourquoi j'ai le super vu. On va tirer sur ces bâtards. On va tirer sur ces bâtards. On va tirer sur ces bâtards. Bah ouais, je t'ai dit qu'on a plus le temps de faire des bagarres. On va tirer sur ces bâtards. Ah mais oui. On va tirer sur ces bâtards. Ah mais oui. On va tirer sur ces bâtards. Ah mais oui. Yeah. Le monde. On va tirer sur ces bâtards. Ça fait. On va tirer sur ces bâtards. Ça fait. On va tirer sur ces bâtards. Bah ouais, je t'ai dit qu'on a plus le temps de faire des bagarres. Dis-les ça, change-moi ça, mon gars. On est parti là. On va faire ça bien. Avec Clovis et Blacks au réseau, RAD. Yeah. On fait ça bien. Ça fait tout le monde. On fait ça bien. Yeah, on fait ça bien. Calme avant la tempête. On fait ça bien. Bah ouais, ma gueule, on fait ça bien. On fait ça bien. Blacks au réseau. On fait ça bien, mes potes Disclo, il fait ça bien. On fait ça bien, même RAD, il fait ça bien. On fait ça bien, on fait ça bien. On fait ça bien, ok. Ok. On fait ça bien, pour les frères enfermés. J'suis venu baiser le rap français sans permet. Oui, on se permet d'insulter la grandeur de tous ces rappeurs. J'habite un 9-3, tu vas chez nous, t'as peur. T'as mon chaud, nos nuages, à nous c'est de la vapeur. Comme c'est dommage, on va tous les mettre au chômage. Chômage. Ta soeur s'est fait trouer. À quoi en faire tout un fromage. Rap de Kaira, rap de vétéran. Même si 9-3, c'est le trou du cul de la France. Aucun pédérant. Les je pète et je rentre. Il faut que ça cesse, il faut le classe S. Alors négro, ferme-la et viens pécho de la cesse. J'suis pas le plus chaud de la tête. Mais si tu me chercherais et tu trouves mon équipe, tu pars d'ailleurs moi, je passe ta soeur, pas d'ailleurs. À partir de ce moment, je pourrais dire qu'on est quitte. On perd du liquide, quitte à se faire soulever. Tu te fais des abdos pour lever. On fait ta bécane pour lever. Faut tu réalises pour le deblé. On va pas tout claquer, on n'est pas teubé. Non c'est bon, j'arrête là, je laisse ça pour mon gars Blackson. On fait ça bien. Yeah, on fait ça bien. On fait ça bien. Blacks au réseau, il fait ça bien. Tout le monde. On fait ça bien. Ouais, ma gueule, on fait ça bien. On fait ça bien. Bah ouais, ma gueule, on fait ça bien. Ok. On fait ça bien. On fait ça bien. Yeah. On fait ça bien. On fait ça bien. On fait ça bien. Blacks au réseau, il fait ça bien. Ok. On fait ça bien. Ok. Ok. Ouais. Je déporte avec. Gavaton Belek, Belek, Belek. Là j'ai choqué, même quand je me chauffe, il a plus que sur rec. Banal, gonflé pec, court, banal, des skills les decks. Aïe, pas de anal, c'est que boucher schneck. Si je finis par cesser, c'est qu'il y a pas ces checks. Un check, tu me reconnais. Sur le réseau, boy, faut pas déconner. Ma copine là, tu t'es trop donné. Ta dot, assez d'art, t'as les condamnés. Sans que je donne mes pattes, tu voles pas haut. Pour se faire entendre, pas besoin de parleur haut. J'écris cet exposé, y'a le Zinc ou Marlo qui t'a aidé. La quête plate pour les bolos. Traîner partout mes refrains, mes assos. Un poulet dans nos mains, on le désosse. Tu te prends un coup de crosse par un cassos. Banal, la vengeance sera atroce. A un sorti craig gros 4x4. Ravitaillement de patate, ouais. Commande au blindé au sun, ta faim, t'es complètement rabat. Allez sur le beat comme dans mon jogging. Avoir des boules partout, tu vas faire des loopings. Passe au contrôle sans jeter dans les couilles. Hier tu priais, aujourd'hui tu rouillais. Chacun sa vie, gros, chacun sa débrouille. Complètes sont là pour toi quand ça part en douille. Réseau, réseau, réseau. Ils préfèrent aller voir des mecs jouer les andouilles. On fait ça bien, fait ça bien, on fait ça bien. On fait ça bien, ouais ma gueule, on fait ça bien. On fait ça bien, bah ouais ma gueule, on fait ça bien. On fait ça bien, mon pote Disclo, il fait ça bien. On fait ça bien, on fait ça bien. On fait ça bien, on fait ça bien. On fait ça bien, mon pote Disclo, il fait ça bien. On fait ça bien, ok. Vous me parlez dans mon dos, C-L-O-V-I-S. Rentre dans le game et puis les baise. Raconte ça à d'autres, je suis pas dans vos manies. L'arme je manie, donc levez les glaives. Golemon, je suis venu pour faire la guerre. Donc baissez les bras. Je vais toujours mettre genoux à terre. Même si restez des braves, hein. Venez broliquer, moi j'ai mon pare-balle. Trahison à risque si on parle pas. On finit sous ma danse, genre après le remix. Pour ça qu'il ne braille pas, ça sent la tape pas. Je suis l'héritier de mon daron papa. J'aime la bagarre, mais là je vous affronte même pas. Vous êtes passé au niveau bas de gamme. Changer de série, changer de ligue, changer d'arène. Je suis partout comme mon sens. Naturie, périphérique, part de Madeleine. Oh qu'il est beau le monde, mort dans le film. Comme au pâté gomo. Je vais leur faire des trucs sales, hein. Clovis prend les commandes, guette un peu comment je dette ça. Oh voilà maille, j'ai pas touché. C'est la rafale sur ce maçon qui va te coucher. J'ai des trucs bizarres dans le bif, c'est des MC, donc laissez-moi moucher. Le game goal, moi je suis venu le manier. Je suis dans la place, tu pourras dire que le manier. Fais tes valises, tu devrais te manier. Mais non pas te rhabiller, hein, hein. On fait ça bien, yeah. On fait ça bien, yeah. On fait ça bien. Radage coffee, on fait ça bien, yeah. On fait ça bien. On fait ça bien, roule à joint, roule à big bang. Radage coffre, le vrai deep bang. À moi tout seul, je fais des gang bang. Enchaîné, on va les enchaîner. Mon rap est trop déchaîné. Des lascars comme toi, je me les tartine au petit déjeuner. Nage pas ou t'as pas pillé. Moi et mon équipe, on va te babiller. Je fais pas les choses à moitié. Tout ce que je veux, c'est le papier. Le papier, le papier. Tout ce que je veux, c'est le papier. Mets-toi sur ma route et tu finis de déshabiller. Qu'est-ce que tu crois, j'avais fainé? T'as plus qu'à me follow. Pendant que je rappe sous ses nez, tu rappes depuis ta colo. Collé, serré comme les menottes au poignet. T'es sorti, t'as bavé. J'ai qu'une envie, c'est de cogner. Cogner, je suis gogné. Dis-moi, tu me reconnais. Mitrailleur de MC, poteau, qu'est-ce que tu connais? Rafaler, on va vous rafaler. Toute ta clique va cavaler. Saint-Christophe, tu peux pas tester. Continue à avaler. Roule à vos pètes que je pète ma tête. Faut que je m'évade, y'a trop de choses qui m'embêtent. T'écoutes mon son, bah c'est sûr, je te rembête. Je te mets en hip, fais toucher la bavette. Fais toucher la bavette. Fais toucher la bavette. Fais toucher la bavette. Fais toucher la bavette. Je casse des gueules avant de casser des bouches. Ah, ça bien, ok. Ok, ok, on fait ça bien. On fait ça bien. Niggas, on fait ça bien. C'est Ricasso, on fait ça bien. On fait ça bien. Bah ouais, ma gueule, on fait ça bien. Ok. Deuxième freestyle, dis au rappeur qui style. Te recale même si t'es bonne, mon cœur c'est pas l'entrée du cristal. C'est la Krix Family. Après nous y'a Demain c'est loin, mais aujourd'hui nous on n'oublie pas. Regarde l'instru, j'la démoli. J'vends des punchlines dans les colis. J'ai trop de flow, c'est la folie. J'arrive à pied, j'repars avec mon bolide. Où sont mes concurrents? Va qu'ils se barrent en courant. Ta meuf est prise, t'es déjà chez Bran. Mais toi t'es pas au courant. Non c'est bon, j'm'arrête là. Calme avant la tempête. Ils sont pas prêts, les gars. On va le chercher. La Krix Family, vous êtes là ou quoi les gars? Depuis toujours, on est ensemble. Un gros big up à Dailymotion. Ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, vous allez connaître. C'est ton négro CRI, ok, ok. Krix avec nous, gros freestyle à l'instant. Rappelle-nous qui y avait au micro à tes côtés, Krix. Alors, il y avait mon gars Visclo, ouais. MEXO, Mixo La Source, Radashkov, Sergi Saint-Christophe, La Colombie. Et mon gars Black, ce réseau du plateau, ça bouge pas, Herbeval, on est ensemble. Et bah, merci pour ce début de nocturne avec toi, Krix. Y'a pas de quoi, ça fait plaisir. C'était un gros, gros live. Avant de se quitter, on finit avec un dernier morceau du calme avant la tempête. Ouais, on va mettre un morceau du calme pour adoucir les mains, tu vois, tout pour ma famille. Ok, bah on va mettre ça. Petite dernière dédicace, si tu veux les balancer, ça. Alors, je vais faire une grosse, grosse dédicace à tous ceux qui me donnent de la force depuis toujours. Toute la Krix Family, sur internet, dehors, dans ma ville, dans ma cité, même sur Twitter ou Facebook, etc. Voilà, on est ensemble. Eh, le camarade de la tempête, c'est de la rigolade. Tu vois la suite là? Vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas prêts, les gars. Là, je m'arrête, préparez-vous. Libérétrique et médaille. On fait ça juste en attendant le tsunami. C'est des petits. Justement, j'allais te demander, c'est quand alors? Le tsunami, ça arrive qu'en 2015 plutôt pour toi. On laisse la surprise. Mais dans les mois à venir. Ouais, dans pas trop longtemps. Dans pas trop longtemps, il y aura quoi? Un album, c'est ça? Tu bosses dessus? L'album, mon gars, ils sont même pas prêts. C'est la grosse tempête, c'est le tsunami. Là, c'est juste le calme avant la tempête. Donc logiquement, il y a le tsunami. Ils sont pas prêts, mon gars. Et bah très bien, on suivra ça. Donc Krix à retenir. Et puis en attendant, donc le tsunami, la tempête, il y a le calme avant la tempête. Voilà. Qu'on peut télécharger un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Il y a des concerts aussi. Tu te balades un peu. Il y a des trucs de prévu. On est en train de bosser sur mon concert à moi. Je suis en train d'organiser ça. J'attends d'avoir la date pour annoncer ça sur les réseaux sociaux. Donc j'attends que ça soit sûr pour l'annoncer. J'espère que mes soldats seront là pour foutre le bordel et s'ambiancer. Tiens, ouais, je fais des rimes sans faire exprès. Putain, mais là, je croyais que t'étais reparti en freestyle. Là, c'est bon. Merci à toi, Crix. Merci à tout le monde. Merci, gros. On finit avec le morceau extrait du projet Le Calme avant la tempête. C'est tout pour ma famille. Ok, c'est parti. Famille, y'a que dans mon cœur, c'est ma mi-fa. Si je devais me sacrifier pour eux, volontiers, je ferais mille fois. Je rêve de les mettre à l'abri, loin des favelas. Mais y'a un prix et j'ai pas les moyens de vivre dans un favelas. Chez moi, on est 8, vivant dans un petit F4. Une famille, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que tu me parles, ton Galaxy S4? Pas besoin d'un vétérinaire pour voir les larmes d'un caniche. J'ai déjà dit je t'aime à une fille, mais jamais à la mif. Mon père frappait ma mère, c'est à moi que ça faisait mal. Je devais suivre sa direction, mais la tête a cassé le Neyman. Je vois mes petites sœurs grandir, je suis super inquiet. Tu perds un pied si tu les touches ou leur enlèves le sourire. Je leur souhaite d'avoir de bons maris qui prendront soin d'elles, d'avoir de beaux enfants qui grandiront dans une villa lointaine. Peut-être qu'un jour je vais les perdre, faudra pas me dire c'est le hasard. Et puis merde, non je veux même pas penser à ça. Je serai toujours là pour ma famille, j'avancerai toujours pour ma famille. Je ferai toujours tout pour ma famille, pour ma famille, Chris Family. J'irai sur le terrain pour ma famille, je défendrai le nom de ma famille. Mon amour toute ma vie pour ma famille. C'est pas tout le temps que je les calcule, mais je suis pertinemment conscient qu'une famille on en a qu'une. Quand ça se dispute pour des histoires de télécommande, loin des histoires et des romans, sans eux dis-moi j'aurais fait comment, hein. Mes frères c'est ma relève, pour leur avenir je dois me dévouer, pour qu'ils réussissent là où j'ai échoué. J'ai pas montré l'exemple, un très mauvais grand frère. Ouais, ils me regardaient faire quand je jouais le gangster. Et j'en suis pas fier, je veux rattraper le temps perdu. Mais quand t'es loin d'être parfait, faire la morale c'est hyper dur. Ta mère t'envoie, tu refuses. Ta meuf t'appelle, t'y vas. T'es prêt à renier toute ta mif juste pour ta belle, t'y vas. T'as rien compris, c'est sacré. La famille passe avant tout. Peut-être qu'il trahit, tu reviendras, hey, car le vent tourne. Je les supporte pas, mais quand je suis loin, il me manque. C'est triste à dire, mais j'aimerais mourir en même temps que. Je serai toujours là pour ma famille. J'avancerai toujours pour ma famille. Je ferai toujours tout pour ma famille. Sois pas triste si tes parents divorcent, y'en a qui n'en ont même plus. C'est pas parce qu'ils se séparent que ça veut dire qu'ils ne t'aiment plus. Faire un gosse l'abandonner, c'est le nouveau phénomène. Dois-je vous rappeler d'où l'on vient et vous dire qu'on ne s'est pas fait nous-mêmes? Perdre un proche, je ne souhaite ça à personne. Faut qu'on profite au maximum avant que notre heure sonne. Et quand ça viendra, mon gars, faudra pas se morfondre. Attendre le jugement dernier, c'est ça que nos morts font. Je serai toujours là pour ma famille. Allez, c'est reparti pour la suite de la nocturne avec tonton Rimka, hors série 5. On est foutu. Mafiosi, écoutez maintenant. Dans la ville en Porsche. Roule dans la ville en Porsche, armé comme des mafieux corses. J'ai la gueule abîmée, grimée. J'aime un peuple opprimé, je les baise. Je suis un ancien démuni, j'ai le même fusil à pompe que les cops des États-Unis. Je les buzz. À mes bras une mannequin anglaise. Elle me montre la thèse. Écarte les cuisses, je veux jamais. Elle me demande combien je m'appelle. Je buzz. Je suis avec mes colonels. On soigne nos blessures avec la vodka polonaise. Me parle pas de clasher dans la hutte, ça c'est pas, j'ai rien à voir avec ces hameuges. Un nouveau coupe espoir, un faux passeport. Une fois un hors bord, avec quatre moteurs. Pour le transport, j'ai pas de compte en banque, j'ai que des comptes offshore. Je viens de loin comme un roumain, hec. Je viens de la Houma entre les mains, hec. À mon peur qu'on soit à Berlin, hec. Fusil mitrailleur comme au Kremlin, hec. Je suis seul comme un félin, hey. Je travaille seul comme Tony Musulin, hey. Ils m'auront pas comme Yvan Colonna, hey. Mon chien palestinien il est cousumain, hey. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corses. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corses. Foutu, foutu. Pour qu'on est foutu, foutu, foutu. Pour qu'on est foutu, foutu, foutu. Pour qu'on est foutu, foutu, foutu. Pour qu'on est foutu. 113 mon numéro d'écrou, hey. Je me torche avec un numéro de sécu, hey. On voit le temps qui s'écoule. Pas besoin de sécu, juste besoin de pécule. Je les baisse. On continue pas du Jack Mills, fils de pute, mais dégage ton dans la gamelle. Je les baisse. Tu le voyais déjà en ML, tu reçois ta notif, refus de DML. Le rêve du pauvre, c'est le cauchemar du riche. Moi je viens d'un bled où y'a pas de touristes. On a pas besoin de choriste, pas besoin de noise. De mon dentaire, j'ai besoin d'un fleuriste. Il faut l'accord parental corrompu comme mon avocat. Qui m'aime ou pas, ils m'auront pas, je vote pas. Je pèse gros, viens, je te paye en shit, manque. Viens. Les stupéfiants sont sous le lit, hey. Sous la couette, y'a son rapport au lit, hey. Sous le coussin, le 9 Billy, hey. Oh, j'ai une transac à midi, hey. Au bout de ma life comme un alcoolique, hey. J'ai fumé l'hydroponique, hey. Rimkov, hey. Je les baisse, je les nique. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corses. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corses. Foutu, foutu. Pour qu'on est foutu. Foutu, foutu. Pour qu'on est foutu. Foutu, foutu. Pour qu'on est foutu. Foutu, foutu. Pour qu'on est foutu. Lino d'Arsenic dans la nocturne. Je voulais écrire une merde positive, mais mon stylo refuse. Pour ceux qui voient la rue comme une mer, mes mots fusent. Au kilo, c'est mon refuge. Le rap traverse l'enfer sans ventilo, sans clim. Macadam philo, Beretta Franklin. Mon arme chante et je marche seul comme dit l'autre. Je vous laisse rêver d'un monde sans crime. Crevé, je m'arrache sur mon îlot, douleur sans cri. Je suis revenu du brasier en footing. Je diffuse mon savoir, je fais des graves by shooting. C'est mort, ça commence à se voir. Petite guérilla sur un son. Bavard, je mets un nègre en or, un pack de balles en guise de poinçon. Je laisse cogner mes verres, j'attends la pluie de météores. L'air mort frappe un visage découvert. Donc je reconnais mes torts et j'appuie où ça fait mal. Le fond, la forme, mon harmonie. Y'a plus que des Tony, Manny, Nino et Jimoni. L'amitié, c'est monnaie. L'amour se planque dans un parenthèse. La liberté à Oni, loin de nos thèses. Je te rappe les chroniques d'un drame annoncé. Vu que mon art proteste avec la même ironie qu'à canoncier. Mon nid, je l'ai fait dans une cible. Avant de partir au bout du monde, genre missile, je trace des terres comme un martyr au bout d'une bombe. La plage, c'est clair. Ça tire, je crache du plomb. C'est grand ici des carters entre le truand et le bon.

Avec les SS, j'ai pas sympa. Ton parloir armé, je m'en bats. Dans ma tête, j'suis un soldat. Quand j'dors la nuit, le moustache, le m'khadda. Dans ma cellule, ma tue est t'chmème. Avec les sauces armées, j'suis pas crème. Sale chienne, m'dis pas je t'aime. Bien t'es les bérables, brah, n'dir les problèmes. Mina yazah, n'arval au bord d'Al-Siwam. Les vrais, des vrais, de là-bas me réclament. C'est pas ma faute. J'peux pas assez calme. Alger, Paname, mes 80 grammes. Vas-y, poteau, j't'appelle du taxi folle. Je reste crête dans la gauve, y'a des tailles. Alors j'te montre, amis, comment j'charbonne. Le week-end, on se meilleure, bah oui, on baisse que des bonnes. J'suis en manque de bif, j'suis pas en manque de rêve. Ma tête de blé d'or, elle est belle et calature les keufs. Toujours frais, sa mère, j'suis même que du neuf. Le couspa, Paname, célèbre, ma chère, ma neuf. Allez, please, laisse-moi faire mon bise. J'assume, harrache les rémérogis. Algébérise, j'connais pas la crise. J'y prends le risque, la coque dans la valise. Écoute le monde à la belle que j'ai en mode. J'suis pas là pour t'apprendre, j'y pense que tu connais le code. Et DJ's, amis, quand t'as pas la prod. T'en avais les bonnes, souriez, zahel le code. Arrivons, la galère. Là, ce qui m'inquiète, c'est m'haïli à ma mère. Solo. Je laisse pas faire, bien te libérable, c'est ma reste la guerre. Derrière les barreaux solo, je fais mes bails. Espèce de ta haine, surtout ouvre bien les oreilles. Je rappe pour les vrais, je rappe pas pour les ratailles. Je t'ai mis que t'as romé à Dubaï, je me taille. Je pars à Marseille, dépose-moi à Alger. J'ai pas la narvalo pour m'arranger. Et ma life, se merde dans le danger. Il faut que ça peine, que ça n'a mes congés. Avec les SS, j'ai pas sympa. Dans ma cellule, ma tue est t'chmème. Avec les sauces amies, j'passe crème. Sale chienne, m'dis pas je t'aime. Bien t'es le bira, brah, n'dir les problèmes. Vas-y Khalis, vas-y, prends le périph. J'ai la dalle, voilà, il me faut du pif. J'essaye, amie, j'ai grave nif. Tu touches à la mif, deviens trop agressif. J'arrive de loin, gros, avec mon style. Paris, Alger, Salem, Galiville. Victime de merde, voilà, reste tranquille. On connaît la rue, la hapse, on connaît les kills. Tu vois ce que je veux dire, la rentrée est dure. Tu vois ce que je veux dire, la sortie est sûre. Tu vois ce que je veux dire, Salem, à ma hure. Tu vois ce que je veux dire, Mina Yazah, des 5, c'est le bâtiment. Demande à les courriers solo, j'pète les plans. Boucaf de merde, ne parle pas de sentiments. Bien te repérable, j'te jette pas le pont. Dans ma cellule, t'aimes les tachemènes. Avec les sauces, j'passe crème. Sale chienne, ne me dis pas je t'aime. Bien te repérable, brah, n'dir les problèmes. Mina dans la nocturne. Le morceau s'appelle Dans ma cellule. Dédicace à Mina, à l'écoute. La nocturne 100% rap français. Sadek énervé, c'est maintenant. Et puis le son de H Magnum aussi juste après. 100% rap français. Planète. La nocturne. Andale, andale, andale, andale. Niam. Niam. Niam. Ce qu'on voulait, c'était le million d'euros. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Hier encore, tu l'appelais mon frérot. Mais ce matin, tu lui tirais dessus. Ils vont perdre leur inté. J'ai le bras tellement long, quand le vent la main je me gratte le pied. Jordan 10 édition limitée. J'ai qu'un grand, c'est Amadou le CDB. 100% rap, c'est mon pédigré, pédigré. Goulême d'espoir, cerveau débridé. Un cœur qu'aucune salope peut dégivrer. Quand je fonce des, j'appelle Silax. Et je me dis je vais venir te peux délivrer. Des principes très précis en amitié. Qualité avant quantité. Toutes les équipes elles sont énervées. Ils braquent les tapis, vendent la LSD, LSD. Rentre de boîte, fonce des plein de putes à appeler. S'endorment habillés sur le canapé. Trois heures plus tard ils seront tous échangés. En bas de chez toi pour te recharger. Silencieux, pourquoi s'agiter? Automatisé sur les armes à feu. Y'a un contentieux, pas besoin de viser. On pressent au diable, on pressent à Dieu. J'avais pas de jouets, dès le CP c'était énervé, énervé. Mes frères et moi on volait ton goûter. Je comprends pourquoi tu nous détestais, détestais. Malheureusement ça s'est détérioré. La vie c'est pas comme on veut, c'est comme on peut. Jugé à propos, je demande pardon à Dieu. Cagoule et ganté vont les séquestrer, séquestrer. J'aime les chaînes de guerre, les CDG, CDG, CDG, CDG. Et j'aime les baisers quand je suis MSC, MSC, MSC. Moi je veux plus fréquenter celles qui ont plein de qualités. Je les ai tellement trompés. On devrait me lapider. Toute mon équipe elle est organisée. Date de concert et produits dérivés. Toi ton équipe elle est fragilisée. Fragile comme les jambes de Dibril. Si c'est gros c'est déballé, coupé et détaillé. Pesé, brûlé et emballé. Allez tout ramasser sans parler. Andale, andale, andale, andale. % rap français. Bassirou dans la nocturne, 100% rap français. J'aurais pu avoir la vie en rose. Je l'ai choisi noir mat. Couille toute option, regard teinté. Ambition chromée, avenir écarlate. Mon gros cauchy dans les étoiles. J'toise le monde, les pieds sur l'asphalte. Tu veux savoir ce qui me définit? Neuf de Dakar, peau de mulâtre. Ouais, j'rappe depuis longtemps. Putain, crois-moi, j'en ai vu de toutes sortes. Fais pas le boss dans les couloirs. Si t'as su, c'est derrière chaque porte. Je ne décevrai pas la daronne. J'ferai pas honte à ceux qui me supportent. J'veux les bijoux, les diamants de la baronne. Voir d'autres cieux, il faut que j'm'exporte. La police fait encore du sale chez les pauvres, ça me rend haineux, je te le cache pas. Ces rappeurs sont nazes, ne disent rien, mais je les connais tous, donc je ne les clash pas. Je ne suis qu'un homme comme toi, je fais des erreurs et je pose mes bons actes. J'ai mes défaites, mes victoires, je ne recule pas, je vais au contact. L'argent circule sur les plaques tournantes, l'héroïne circule dans les veines. Direction le top, attache bien ta ceinture, on perd vite son froc, les poches pleines. Tu me connais pas encore, bientôt ma voix dans les gammes, hausser les raies, chat. Je ne suis qu'un talibé, si tu me vois au feu rouge, non ne t'arrête pas, non, ne t'arrête pas. J'espère que ces femmes ne prendront pas mon temps, pas mon temps. J'espère que ces rages ne prendront pas mon sang, pas mon sang. Je suis là, j'observe fort depuis longtemps, depuis longtemps. Je rappe mieux que, est-ce que tu m'entends, tu m'entends. Je ne suis qu'un talibé, talibé. Je ne suis qu'un talibé, talibé. Je roule pour mes talibés. Talibé, où sont mes talibés? Talibé, c'est pas une question de race, ni une question de sang. Y'a pas de gentil, pas de méchant. Compare pas deux plans, pas nés sous le même temps. Ni dans la même terre, ni dans le même champ. Comme Ali, je m'en vais les coucher. Comme Ali, je m'en vais ouvrir ses âmes. Retrouve-moi aux portes du succès. Enfoiré, t'as flambé, mais tu vas me chasam. J'ai pas encore grandi. On traîne tard le soir au gambert.

Les aléas de la vie, mon grand-père qui part. Trop de conneries, j'ai fait pleurer mes remparts. J'ai fait le mur, j'ai sauté les remparts. Ratatatata, où sont tes potes? Toute la mala en équipe sort des photos. Tu te retrouves seul, tu te dis que t'es foutu. La balle d'arrivée vient pas d'une balle de foot. J'suis de plus en plus chaud et de plus en plus tard. J'ai traîné dans la street, j'entrais de plus en plus tard. Le daron me dit t'iras en prison plus tard. J'roule mes soucis et j'enchaîne les pétards. J'ai constaté que la vie n'est pas rose. On vit du pilon, y'a les fils qui baraudent. Suce-moi, suce-moi, ouais j'ai le barreau. Les MC, j'vais tous vous tarot. Ouais, que des sons de taille. PMK, bang bang, êtes-vous pareil? Ouais, êtes-vous pareil? J'vais tout dire, j'vais tout déclarer. Prends ton gilet pare-balles dans le rue Sariti. Pile dans les yeux, j'ai crevé ta rétine. J'vais crailler tous les MC, souhaite-moi bon appétit. Ouais, souhaite-moi bon appétit. Pas comme ils ont lu longtemps. Ce serait le fin de longtemps. Mange la vie d'un autre. T'as fait peur, il y a nos coups. Pas comme ils ont lu longtemps. Ce serait le fin de longtemps. Mange la vie d'un autre. T'as fait peur, il y a nos coups. Ceux qui me suivent la bite sont ceux qui parlent le plus sur moi. Tu sais bien où blague pas la bite. J'connais les méchants et les plus sournois. Un pisset dans la street, on t'a arnaqué. Les héros inutiles sont les plus baraqués. Manque de respect, toi tu parles à qui? Pousse ta langue de pute et prépare tes béquilles. Y'a des gens généreux comme Kimo Minté. Là je ne fais pas le flow, tu peux pas m'imiter. Wesh mon poteau, y'a quoi t'es perdu? Le temps fait pas les choses, la tristesse qui perdure. Comme le titre ou la beuf, tu vas te faire buter. Qu'est-ce qui s'est passé, ramène le butin. Je reçois des pics de partout comme une paire de le boudin. Continue de jacter, bande de putain. Les plus grandes salopes sont les plus costauds. Je t'ai enfermé dans le rap game et t'es devenu claustro. Y'a pas qu'une des vrais mélèques à des potos. Le temps et les souvenirs cachés dans des photos. Wesh les gars, dites c'est quoi les bails? Quand c'est plein, pas le promis. Wesh les gars, dites c'est quoi les bails? Percé dans le rêve, je me suis promis. Pas comme ils ont lu longtemps. Tu serais pas dans son cœur. Mange de la vie d'un longtemps. T'as fait peur et rien au coup. Pas comme ils ont lu longtemps. Tu serais pas dans son cœur. Mange de la vie d'un longtemps. T'as fait peur et rien au coup. Ok, Bailef. Le Black Boy. Planète Rap, 100% rap français. If she ain't fucking, she got to go. Yeah. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell them don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Chez eux on arrive de Roubaix pour baiser gay. Sur la route du pilon faire en détail. T'as 35 piges, tu rapas dans les temps. Non négro c'est trop grave. C'est un soin que tu veux parler d'armes. Je te rentrerai ma bite et calibre dans ton trou de balle. Bite et calibre dans ton trou de balle. Même tes piles et je sais qu'ils sont pas taille. Putain, rejoins derrière ma gauche. 9 mm à droite. Grosse ta sperme. Cette salope elle boite. Entrée avec mon femme, je la doite. Barton qui vit dans son cul, elle squash. Check it, Panda, on parle au patron en nous. Dis-leur que c'est le chez Gay Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur que c'est le chez Gay Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur que c'est le chez Gay Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur que c'est le chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur que c'est le chez Gay Squad. Chez Gay Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Toujours présent pour les niquer sur le beat. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Ils veulent tout sucer notre beat. On est des killers, on va tout plier, dégage. Les négros sont pliés, veulent des billets. Donc veut débiter des kilogrammes. Ouais c'est quoi les bails bâtards? Ta face de la décale où j'fais un drame. Bitch, tu kennes ou t'es propre? Tu suis ou tu croques? T'assumes ou t'as fort? Bitch, Qatar, tu suis ou t'es score? Les corps tu michetonnes, salope t'es trop conne. J'suis agin, et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, j'porque mes patins. Et j'en vais les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la presse. Tous ces bâtards ont parlé, on pas cru en nous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups.